Which one do you prefer? Yeah. Oh, that's nice. Hyperjet. You killed my ears. That's alright. C'est facile d'être violent, mon poumon est censé ne pas mourir. Ce n'est qu'à ça que le mec s'en sert. On peut tous finir, même dans les viscères, ou partir à l'asile pour un peu. Thank you. Thank you.